You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Et bonsoir, bonsoir. So, for now, I'm by myself, but I knew Adrian was busy, but Romain was supposed to join me, but he might... I'm here. Are you here? Well... Talking to the mic then. I'm here. You're here. You just arrived. I just arrived. And you snuck past the video camera surveillance because I was busy with Fega, so I didn't see you coming. I'm here anyway. Whether you see me or not, I'm here. Yeah, well, now I see you because you're in front of me. Yeah. But, so I'm not by myself tonight. No. After all. Yeah. Now I wanted to... I had a board meeting that ended like 15 minutes ago, so I had to rush. Yeah. So, but I'm here. Well, thank you for my coming. My happy place. Thank you for joining us. I should say. Very welcome. I shouldn't say we when I talk about myself, because that's very pretentious. Well, or royal. Yeah, but I'm neither royal nor pretentious, so well, I'd like then, to no, avoid yeah. it. All right. Well, tonight we have a special 420 because it's 422. And so I decided to do a playlist about drugs. Okay. And all kind and things for it, against it, things from the 60s, late 60s talking about LSD and things about the 80s talking about the ravages of drugs. Like Aux Enfants de la Chance. Yeah, it's part of it. Yeah. And things from the 90s like Billy the Kid. So that's très bien. A little bit of variety. So yeah. That should be nice. Eh ben, alors, so what are the first songs that we're going to enjoy? So the first three songs are going to be from Billy the Kid. And we're going to listen to... So the first one is going to be Bon Baiser d'Amsterdam, Kisses from Amsterdam, which... In France, for a long time, especially in the 90s, was like really where you could go and smoke legally. And then we're going to listen to Ma Plante, My Plant, which is about, growing the marijuana. And OCB, which stands for Oxyde Carton Blindé, and which is a cigarette paper. But that was very famous for smoking a joint. So, okay. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. Yeah. Inadmissible, c'est une Et voilà, we are back. Indeed. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. It is 8:16 yeah. on Tuesday night, of course. And we just listened to three songs. Yes, from Billy the Kick and Les Gamins en Folie. And the first song was Bon Baiser d'Amsterdam, Kisses from Amsterdam. The second one was Ma Plante. And the last one was OCB, Oxyde Carton Blindé, which is cigarette paper, cigarette or something else, because yes. It's 4:22 and mm-hmm. 2 days ago was 4:20 and we don't have any songs about Easter in French. No. So, but we have quite a bit about drugs. So. Well, there was a song by Nathalie Pack, that young Belgian singer who represented France like in 1984 or 5. I posted it on Les U. J'ai volé la vie. I think I might have it. But that's the only one, so we would yeah. have to play it like three times, you know. Well, there's also Les Trois Cloches, I think. Ah oui? But yeah, still two songs for holidays, a little bit light. Yeah. So we find a lot of songs about drugs and marijuana and a lot of things. And so we're going to keep on going. We're going to listen to Alain Bashung with Je fume pour oublier que tu bois, which is not a very positive way of seeing life. I smoke because I smoke to forget that you're drinking yeah. or that you drink. Then Benjamin Biolay with La Toxicomanie. Toxicomanie is the same word, right? Yeah, I think so. Yeah. yeah. And yes. Coran Stroop. No, Jeanne Chéral oh. with Le Petit Voisin. Mm-hmm. And ils s'en foutent, les étudiants. Bah oui. Well, it's a fun song. It's yeah. pretty fast-paced, mm-hmm. but very clear as far as lyrics is yeah. goes. So. Okay. All right. Bah, c'est parti. On y va. J'aime faire la peau, j'aime tirer la chasse dans les WC de mon petit studio. C'est pas facile, facile de se foutre en l'air. C'est pour les riches et ça m'y fait. La roulette russe est complètement idiot quand on peut mourir d'un coup de chasse d'eau. Je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi, j'envoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une overdose. Tu prends tout tout de suite, tu en crèves vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui t'en. Je suis bien, bien, très bien dans mon KGB. Y'a des journaux, alors je les lis. Qui disent que le bonheur, c'est peut-être qu'un bobard. Je m'en fous, j'attendrai pas la fin de mon histoire. Je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi. Je renvoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une overdose. Tu prends tout tout de suite, tu en crèves vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui t'a. Oui mais pour la tarte aux pommes, deux ou trois golden, un petit verre de rhum. un bâton de cannelle. Rouler, rouler, bien à droite. Introduire dans l'âtre, ça me coûte goutte à goutte. Goutte, goutte, goutte. Thank you. Le petit voisin s'appelle Jocelyn, avec un P, avec un F comme dans Martine. Le petit voisin est l'ingrin, de sel ou bien de sable ou bien de caféine. Le petit voisin habite au-dessus de chez nous qui, évidemment, se ment dessous. Il prend des cours de jujitsu, mais n'est pas mauvais pour dessous. Et dans tout l'immeuble, crado mais sympathique, on se chicane, on se cherche, on s'engueule gentiment. Mais le petit voisin, il est total stoïque, et d'ailleurs, il s'en fout car il est étudiant. Petit voisin dans son T1 a des instruments assez rares et insolites, des percus, un masque malien, des cendriers et des gris-gris de bakélite. Il souffle dans un bout de bambou, un didyride ou de pierre importe du Népal. Il joue à poser des embouts sur des bouteilles, puis l'aspire et devient tout pâle. Et dans tout l'immeuble, crado mais acceptable, on se chicane, on se cherche, on s'engueule calmement. Mais le petit voisin, il s'assied à sa table et il se roule un stick car il est étudiant. Petit voisin, pour justifier sa bourse accordée par la fac, fait un saut hors de son T1 et intègre un amphibon des communs, gros sac. Puis leur passé, il rentre au port, non sans avoir fait un détour par chez Bubu. Une petite partie de Fighting Simulator, mais pas plus de 4 heures, il faut pas d'abus. Et dans tout l'immeuble, crado, mais bon, ça va, on se chicane, on se cherche, on signe des pétitions. Mais le petit voisin, en lisant des mangas, rêve à des jours meilleurs, car il est étudiant. Sur le macadam citoyen, que l'on piétine quand on n'en peut plus de stagner, on voit passer le petit voisin, sous des bannières il se plaît à revendiquer, et un peu plus de ci, moins de ça, un citino djembé devant la préfecture, les causes perdues, les grands débats, on finit par tout faire flamber dans l'aventure, et dans tout l'immeuble, crado est pas fini, on se chicane, on se cherche à s'en rendre malade, mais le petit voisin, dans le panier à salade, commence à regretter ses 5 ans et demi. Puis un jour le petit voisin ira pointer quelque part pour bouffer un peu. Il s'ennuiera et sera loin, le temps où il rêvait que demain serait mieux. Alors pour tromper l'amertume, comme à 18 berges en criant que ça suffit, il arpentera le bitume, rien ne changera mais au moins ça dégourdit. Au moins ça dégourdit. It's For You from KFAI. KFAI presents Yukimi of Little Dragon live at the Fine Line on Friday, April 25th. The celebrated vocalist and co-founder of Little Dragon, Yukimi returns to Minneapolis with her first solo album, For You. It's a personal and relatable work incorporating elements of jazz, soul, electronica, hip-hop, roots, and psychedelia to create something truly unique. Tickets for Yukimi of Little Dragon at the Fine Line can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà. Voilà, voilà. We're back. Indeed. And we just listened to three songs about drugs, plus or less. Alain Bashung, oui, je fume pour oublier que tu bois. I don't know, wasn't Alain Bashung like a... Heavy smoker, alcoholic? Yeah, well, I think it was lung cancer or something. Yeah. No. Benjamin Biolay with La Toxicomanie. And Jeanne Chéral with Le Petit Voisin, The Little Neighbor. Mm-hmm. He's in the building and he's a little bit on the side because he's a student and mm-hmm. so he smoked pot too. Yeah. Mm-hmm. And we're going to keep going on songs about 420, drugs and etc. The first song we're going to listen to is Chorance Loop with Les Yeux... Sors en slip? Non, c'est son nom. Ah. Chorance Loop. Ah, je crois que tu disais je sors en slip. Non, je ne dis pas ça moi à la radio. TMI? Et ouais. Les yeux hagards de Léon. Oh. Peut-être parce que je sortais en slip. Mm. how do you say that? The days eyes or glazed eyes of Leon? Yeah, like kind of dazed and confused. Agar is, you know, you you're walking, but you don't really know what you're doing, and you're kind of lost. I mean, when you look it's lost. It's another way to say stone when you don't know if the person is stone. Yeah, Agar, yeah. Then les cinq gentlemen with LSD-25 ou les métamorphoses de Margaret Steinway. And then Sullivan with Hashish Faction. Eh ben, quel and, programme. The pledge drive was ended on the 18th and they're still calculating because there's always the trickle down. It's not like the economy, the trickle down is bringing real money. And so we want to thank all the listeners and all the people who participated. Merci. Yeah. We appreciate you listening and we appreciate you giving. And then we're gonna go. Et on y va. C'est parti. T'as pris du LSD. LSD, vraiment c'est exquis, T'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés. T'as les plus petites pupilles de la nation. Je sais que t'as perdu ta copine qui t'appelait tendrement Coco. Et de Coco à cocaïne, il n'y a qu'un pas mais un pas de trop. T'as pris du LSD. LSD, vraiment c'est exquis, T'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés. T'as les plus petites pupilles de la nation. Je sais que tu te prends pour un génie quand tu avales ta pastille. Mais ça t'énerve quand je te dis tu n'es que le génie de la pastille. T'as pris du LSD. LSD, vraiment c'est exquis, T'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés. T'as les plus petites pupilles de la nation. Rien ne te paraît difficile lorsque tu te fais à manger. Tu bouffes du maxiton à l'huile ou bien du hashish parmentier. T'as pris du LSD, t'es complètement camé, Léon. Tu as les yeux gonflés, t'as les plus petites pupilles de la nation. Je la dévisage et lui vois des visages. Elle se transforme et change. Miss Margaret's Henry. Petit carré de buvard mâché. Je la baigne dans l'extase. Mais le temps d'un éclair et elle plonge en enfer. Miss Margaret Henry. Sous l'effet d'acide hallucinogène. Hystérique. changé depuis le temps où tout souriait. Le temps où toutes les filles t'adoraient. Dis, je ne comprends plus ce qui a bien pu te changer autant. Ton regard est bizarre, un peu trop flottant. Voilà, it is 8:39. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFA Radio with Freddy. And Romain. And we just listened to three more songs. Exactly. And so we listened to Corinne Loup with Les Yeux Hagards de Léon. Then Les Cinq Gentlemen with LSD 25 ou Les Métamorphoses de Margaret Steinway. I had to take a big breath before I said that. And then, just now, was Sullivan with Hashish Faction. And tonight, the theme is 420, or 420, or drugs, or whatever we want. And oui. Some are, like, in favor, and some are against, or against the excess, and things like that. So we're going to keep on going. We still want to say thank you for people who gave to the pledge drive. Thank you, thank you. If you didn't give to our show, please think about us in March. Oui. Not in March, in October. Oui. Mm-hmm. September, October, like for falls. You can always designate a show, but it's no big deal. It's mm-hmm. really like bragging rights. And which we like. Yeah, we do. And so we're going to keep on going until 10 o'clock. We're here each week, and each week we try either to have like a topic or... If we don't, we just listen to like newer songs or older songs, I mean. But mostly in French. Oui. We're going to listen to Les Fleurs de Pavot with a song called A Dégager. And this is an album that I got from Bandcamp that's called French Psychorama, 1966 to 1970. And it's a volume one. Came out in 2006. Mm-hmm. Then we're going to listen to Monsieur Richard Bordeaux et Daniel Beretta. Like the Gun, and the name of the song is La Drogue. It's from the same album, French Psychorama. And then Nino Ferrer, who was very famous in the early 60s with some funny songs. Yeah, and Le Sud. Yeah, that's true. It's not a funny song. No. But this one is Cannabis, so it's kind of in between. Oui. And then we'll come back after that. Ça marche. Also, before I go, French Influence says 149 is going to come out soon. Mm-hmm. And that's going to be the last, the one before last. So I haven't... The penultimate. Yeah, I think that the 150 will be the last one, but I might like break it in pieces, mm-hmm. like 25 songs or something like that. So we'll see. But French Influences Radio Show Therapy is a web show that I've been doing for a little bit now. Mm-hmm. And it's on Mixcloud. So you can type French Influences Radio Show Therapy. And it's also on archive.org. So check it out. A lot of French stuff too. On y va. Eh bien, c'est parti. En sortant de chez moi, le percepteur a tout cassé dans l'ascenseur et avec sa petite auto, il est tombé dans une bouche de métro. Au ministère, il est entré en lisant l'humanité. Il s'est fait virer. Le LSD que j'ai mis dans son café a fait mauvais effet à dégager. En descendant l'escalier, la concierge m'a interpellé. J'allais filer en courant lorsqu'elle m'a dit très gentiment qu'elle avait payé mon loyer. Elle m'a invité à déjeuner, un vrai conte de fées. Le LSD que j'ai mis dans son pot-au-lait a fait un bel effet à dégager. Mon voisin Monsieur Dupont avait très bonne réputation. Ça faisait une trentaine d'années qu'il travaillait au PTT. Mais un jour, comme un idiot, il est allé à son bureau en kimono. Le LSD dans son tabac brisé avait fait son effet à dégager. J'en aurais plein d'eau, des petits costards, des petites autos, des belles pompes tout en croco, et prendre un pot de magot. J'irais vendre des pièges à rats déguisés en porte-clés. Je vais bien rigoler. Le DDT qu'on met dans mes idées à longueur de jour. Depuis tant d'années, on n'aura plus aucun effet. La société a ses jolies pensées. Voulait faire la peau à ma liberté. Oh, mais manque de peau, ça n'a pas marché. Oh, je vais décoller, partir en vol plané. On va m'enfermer, mais rien ne pourra plus m'arrêter. Les murs sont en papier mâché. Thank you. la gueule et l'angoisse. La guerre au Métèque. Nègres, juifs ou chiens, ça ne fait rien. Cannabis indica, chanvre et Marie-Jeanne, opium hashish, Blanche-Neige, sticky, trip et joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dit-il, la mine et la nuit. La viande aux hormones, la mer pleine de merde, le monde en plastique, la structuration, le métro, cannabis indica, chanvre et Marie-Jeanne, opium hashish, Blanche-Neige, sticky, trip and joint, Hervé voyage au bout de la civilisation, dit-il, la nuit et la nuit. Là. Oui, comme that tu was dis. Pretty intense. Yep. So, I'm glad it's over though. Mm-hmm. I was getting a little bit long, like with all the yelling and screaming. So we listened to songs about drugs, and the first song was from a band called Les Fleurs de Pavot. I don't know how to say Pavot in Poppy. Poppy. Mm-hmm. Poppy flowers. Mm-hmm. And the name of the song was A Dégager, like get out of here, because it was putting LSD in people's coffees and stuff, so they were mm-hmm. doing stupid stuff. And then Daniel Beretta with La Drogue, or The Drug, and Nino Ferrer with Cannabis. Mm-hmm. Bien. And tonight is about drugs. So we're going to listen to more songs at around 9-ish. I'm going to talk about the events. There's quite a few. Some good events, like cine club, concert, and things like that. We're going to listen to more songs until 10 o'clock, until Balkan Jamboree. So we're going to listen to Grégory, and not the petit Grégory. Ben non. Parce que, a priori, ce Grégory, il sait nager. the song is LSD et Système D. OK. Système D in French stands for démerde or débrouille. Yeah. It's when you know how to fix stuff, do stuff on your own, and not just fix stuff, but it's an alternative. Cope. Not cope. How can I go ahead? I'm thinking of it. It's an alternative when you cannot do things normally. Le système D is allowing you to keep on going. And that was very famous during the war because they were out of a lot of things, whether it was food or tools or whatever. So system day means like you find an alternative to do the things you were supposed to do normally. Then Serge Gainsbourg with two songs. The first one is Aux Enfants de la Chance, to the children of the luck, who didn't test or try the drugs. And then the second song is going to be Brigade des Stupes. And Brigade des Stupes is, how do you call that here? Narcs. The narcotics, yeah. Mm-hmm. Kind of like the DEA, special enforcement. All right, on y va? C'est parti! Autour de nous, les gens s'affolent. Où irons-nous, jeunesse folle? Avec la drogue pour boussole. Chacun choisit sa liberté. LSD, LSD. En route pour le grand voyage. Avec une pilule pour bagage. Ou un buvard qu'on se partage. On vous salue la société. LSD, LSD. Goûter, ça suffit, merci. Fantastique a fait son effet. LSD, LSD. Dans une vision de couleur de feu, on peut s'offrir tout le bonheur qu'on veut. On comprend tout, on peut tout faire mieux. Se transformer ou s'envoler. LSD, LSD. Pas d'impudence, vous foutre en l'air avant leur délite.

You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. So we just listened to three songs about drugs, and the first one was from Gregory with LSD et Système D. So... Romain... Resourcefulness. Yep. Like MacGyver. Yeah, exactly. And then... Who could, I don't have a battery for my alarm clock. Well, let's use a potato. Yeah. And that works. Yeah, it could. Yeah. Then two songs from Serge Gainsbourg, Aux Enfants de la Chance, and then Brigade des Stupes. And we're going to keep on going, but oui. Before that, I'm going to talk about the event. Eh ben, vas-y, mon petit. I still want to thank again people who gave money to KFAI for the play drive. Yep. Merci, merci. That was great. I think we might get the goal, or I don't know. I don't even know what the goal is anyway. But it's great. So, events tomorrow, 7 p.m., the testing room, Uptown Minneapolis. Célébrons le printemps, and it's more like a group of Frenchies, so it's with l'équipe de Minnesota Accueil to celebrate spring. Yeah. There's a menu happy hour the whole evening, so that's not just one happy hour, that's going to be several happy hours, and at the end you better not drive because you might be too happy. So it starts at 7 p.m. And the testing room is 1426 West 31st Street in Minneapolis, Minnesota. And it's organized by Minnesota Accueil. Very cool spot. Yeah. Well, mm-hmm. Very cool people, too. Yeah. So, then Paris Sota Trio at the Schooner. It's tomorrow as well, so you get a pick. But... it's from 7:30 to 10 o'clock. So the Schooner is located 2901 at 27th Avenue South in Minneapolis. And of course, as part of the Paris Sota Hot Club, there's going to be Rob Henry. There's also going to be Matt Sejam at the bass and Jay Epstein at the drums. Rob Henry, of course, will be at the guitar. We had him one time here to talk about Django. Yes. That was pretty cool. Yeah, that was great. Yeah. And, they're going to play music by Django, Reinhardt, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Beatles. So that's going to be a lot of variety. And that'll be cool. Ciné Club. Le consentement. In one word. Consentement in one word, not le consentement. Yeah, true. It's gonna be a movie at the Alliance Française, 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And if you want more specific, you can go to afmsp.org. They have tickets for it, but donation appreciated. And it's a movie about sexual abuse. And Paris, 1985, and it's a 13-year-old, and she meets Gabriel Matzneff, smart, manipulative, and blah blah blah. So that's the jets of it. And all the events I'm talking about right now, they are a real writer, Matzneff. Yeah, yeah. Is based on a true story. Oh, yeah. Yes. I wasn't sure. I mean, sometimes... No, but Metznev is... he's still alive, and it's known that he's responsible for a lot of abuses, and Sucks. I was going to say that all the events that I'm talking about are on our Facebook page, on the Bonjour Minnesota Facebook page. You go to the events, and you have linked... links to the event. Mm-hmm. And then on Sunday, and I might go. It's the New Riverside Rumbler Trio. Mm-hmm. It's going to be at Bachman's Music in the Garden. It's Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. They're probably going to take some break. But Bachman Floral Gift and Garden is located at 6004 South Lindale Avenue, Minneapolis, Minnesota. And NNR Trio is the New Riverside Ramblers, and they're going to play some Cajun music. Mm-hmm. So that it's at cool. Patrick's Cafe over there. So you can enjoy the food or dessert or wine and listen to the music. So I might do that. Mm-hmm. Not sure. And then on April 27th, so it's a little bit further, but it basically starts on the 27th. It's like the Friday, Saturday, and Sunday at the Trident Cinema. It's not that far away. It's in 5 days. Oh, I thought it was further. But well, we're the 22nd. Yeah. Today. Yeah, I thought it was further. Mm-hmm. It's still 5 days. It's almost a week. Oh, yeah. Yeah, minus 2 days. Yeah. Chocolat. Mm-hmm. Chocolat is the name of the movie that is presented at the Trident. And it's from Claire Denis. Mm-hmm. And it's played by Isaac de Bancolet, Julia Bocci, and François Cluzet. And so it's a French movie with subtitles. It's going to play... Oh, no, actually, the 27th is Sunday. I thought it was... Yeah, I said Friday at first. So Sunday it plays at 8, and Monday and Tuesday it plays at 7, and... at 9:15. So I might go see it. I'm not sure yet. Yeah. Mm-hmm. Well, let me know. Yeah. Maybe we'll go together. Okay. And then next Tuesday, there's going to be Festinema Junior 2025, mm-hmm. Youth French Film Cinema. It's with the Alliance Française, and it's for teachers and their youngsters. I mean, their students. And it's about French comprehension and the idea. The Alliance Française is 227 Colfax Avenue mm-hmm. North, Minneapolis, Minnesota. And if you want more specifics, you can go to afmsp.org. Oui, c'est ça. Also on Facebook. And then an event that I organize because it's very casual, but if you want to support Paris Saint-Germain, on Tuesday, April 29th at 2 p.m. Central, there's going to be Arsenal versus PSG, Paris Saint-Germain. Mm-hmm. And if you want to come and support Arsenal, just don't. Just like stay at work or do something else. But for the Tuesday, I'll be there to support Paris. And the week after, it's going to be on a Wednesday. And mm-hmm. that's going to be the second leg. And it's for the Champions League. Wow. Or la Coupe des Champions. All right. So we'll see, but it's the semifinals. Mm-hmm. Yep. Paris beat Aston Villa a week and a half ago, something like that, for the second leg. Mm-hmm. They lost that game, but because of the aggregate on the first and second game, they were able to move forward. All right, that was a lot of talk. So let's move on to music. Yes, we're going to listen to Brigitte Fontaine with Je Fume, I Smoke. The name of the album is funny, it's KK Land. Why not? But Brigitte Fontaine's funny. Then Tonton David with Ils ont appelé la police pour moi. Mm-hmm. They called the cops on me because it was smelling like ganja. And then Trio with La Main Verte, having the green thumb. Mm-hmm. C'est ça. On y va? Eh bien, on y va. Petit cylindre clair, parfum d'or et d'épices, et volutes et sorcières, braise dans la nuit blanche, espoir et allégresse, noce et petit dimanche, tiges enchanteresses, sexe bleu, liqueur douce, charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique songe.

qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds. Et faut bien espérer. J'ai pensé que peut-être tout c'est une malhonnête serve à nos dirigeants qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette c'est pas bon pour les gens. J'ai compris que pour des chichons, tu peux aller en prison. Que l'alcool tue à foison. Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation. Faites fleurir les jardins, décorer les balcons. Expliquez à vos voisins que fumez vos petits pognons. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boom. Et voilà. Voilà, voilà. It's 9:21. Yes. So you're listening to Bonjour Minnesota and we're back. Yeah, and tonight is a theme about 420. Mm-hmm. I was thinking next week that maybe I could do something about poetry because mm-hmm. we missed the 4-1 show. You know, we did something yeah. different. But 4-1 in French is 4 ans. Ah oui? So that would go well with poetry. But next week is also just before May 1st, which often we play with songs about workers' rights and stuff like that. So we'll see. Mm-hmm. I mean, I still can do poetry later. We can do both as well. No, I don't want to split. I don't want to split. We could do something with poems that talk about workers' rights. Yes, we could do that. We just listened to three songs. The first one was from Brigitte Fontaine with Je Fume, or I Smoke. And then it was Tonton David with Ils ont appelé la police pour moi. And then Trio with La Main Verte. Bonne sélection. Thank you. And we're going to keep going with songs about drugs, either for or against or different ones. But we're going to listen to Matt Mata with L'Apologie. Then Pierre-Paul Jacques with Cultivateur Moderne, very reggae. And Section d'Assaut. Section d'Assaut was the band where Gims was part of before. And Kublin? Black M. Black M. Mm-hmm. And is La Drogue te donne des ailes. Mm. The drug is give you wings. But they are talking about the downside. Of course. So on y va? C'est parti. Rattraper le retard, vivons à notre époque et dédramatisons. Non, bien sûr, le pétard n'élève pas la raison. Je le conseille tout de même avec modération. Comme cet alcool qu'on prend jusqu'à la déraison. Et pour quelques noyés est devenu passion. Mais l'église ne dit rien, la cirrhose a raison. Ne choque pas la morale. Mais l'alcool, tant loué, vous est parfois fatal. Et le joint si léger dans mon pays natal. Des libertés de l'homme devraient être banales. Malheureusement chez nous, il se vend en sous-main. Si peu dangereux qu'il soit, l'État lui fait la guerre pour une fausse morale. Parce qu'il n'en touche rien. Voilà la vérité dans cette triste affaire. Un pétard. choisir, il n'y a pas photo. Moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur foulard, le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. Ce serait pourtant si simple de le légaliser. De petits joints par jour, c'est antidépresseur. Si l'État dans ce cas n'était pas l'agresseur, le peuple tout entier pourrait mieux respirer. C'est encore cette fois par l'argent que le bas blesse. Si au moins le hashish pouvait emplir les caisses, nos dirigeants affables fermeraient bien les yeux et parfois avec nous s'envoleraient aux cieux. Moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur soulard, le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. L'alcool et le tabac ont le droit de tuer, car au compte de l'État apporte leur denier. Messieurs, dames, mourez donc d'alcool et de fumée. La patente est payée, la mort autorisée. Paré à planter. Yeah, yeah. Je décidais par hasard un de ces cultivateurs modernes. Sache que la main verte est l'expression de la création. Si t'es un smoker de Saint-Emilia, mais pas de gras. Ouais, sache que la beuvette de la terre notre mère. Yeah, yeah. T'es paré pour le jardin, enfile tes bottes et viens. Il faudra marcher dans la forêt par les petits chemins, car une plantation reste secrète, tu le sais bien. Tu ne dis pas n'importe quoi, tu n'amènes pas n'importe qui. Les chasseurs et les gendarmes sont nos ennemis. Les fouineurs et les taxeurs le sont aussi. Je décidais par hasard un de ces dreads horticulteurs. Ta passion pour ces fleurs est tout à ton honneur. Si un smoker, ah, soutiens-nous les blancs. Sache que la beuvère vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu connais le développement, la floraison et le gel. L'eau de pluie est la meilleure, avec son pote le soleil. N'enlève pas ses feuilles au début, ton pied ne peut pas grandir. N'arrache pas toutes ses branches, man, tu le fais souffrir. Boycotte la poudre chimique de chez Babylon Garden. Tu fabriques ton engrais naturel, ça en vaut la peine. Je décidais par hasard un de ces cultivateurs modernes. Sache que la main verte est l'expression de la création. Si t'es un smoker de Saint-Emilia, mais pas de gras. Ouais, sache que la beuvette vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah. Tu as besoin de matériel quand tu le fais à l'intérieur. Tu es seul avec Dieu quand tu es à l'extérieur. Les productions chimiques au cœur du béton me rappellent ces poulets entassés à sous les néons. Lâche ton cas manipulé, ne me procure pas ce que je veux. Si je fume de la weed, c'est pour être plus près de Dieu. Je suis hasard. Un de ces dreads horticulteurs, car passion pour ses fleurs. Et tout à ton honneur, si t'es un smoker, oh, soutiens-nous les plantes, et sache que la bevette vient du ventre de la terre, notre mère. Mon bonheur coûte 30 euros, se balade dans le bout des gens. Je dépends d'elle comme si sans elle c'était mon cœur qui foutait le camp. Je brûle ma drogue quotidiennement, car ma vie c'est l'enfer. J'ai embrassé ses charmes sans avoir vu ses dents de fer. Quand tu me vois, dis pas mesquine, je cache la haine de moins 10 skins. Oui, mes propres enfants m'esquivent, car pour leur père n'ont plus d'estime. Si je regarde toujours le sol, c'est que je suis tombé bien plus bas que terre. La cocaïne dirige la rue et tous ces gueux, j'en suis subalterne. Elle m'apporte tellement de plaisir que j'aime mon dealer plus que ma mère. Et à côté de mon crack, une jolie femme n'est que de la merde. Dans mon crâne, j'ai une galette. Certains tox veulent ma tête. Car je connais pas le partage, je consomme tout seul ma quête. L'argent n'a pas d'odeur, car je cache ma cam dans mon zen. On a tous le sida, tout le monde s'écarte quand on saigne. Il me traite de mort vivant, car je marche seulement en oscillant. Mais ce mec-là qui aime insulter n'est qu'un dealer qui vaut ce qu'il vend. N'est qu'un dealer qui vaut ce qu'il vend. Mais passe-moi cette putain de galette, merde! Ouais, c'est sérieux là? Vas-y, casse-toi là! Je te ramène l'argent demain! Vas-y, casse-toi, rentre dans le pâte! Je te ramène! Vas-y, je m'en bats les couilles! Putain, mais j'en ai besoin! Je m'en bats les couilles, rentre dans le pâte! La drogue te donne des ailes, tu frôles le ciel, ce n'est qu'un plaisir à temps partiel! Tes joues se creusent, la fumée cerne, tes cernes, t'es dans un océan de conseils! La coke te donne des ailes, le shit te donne des ailes, l'extasy fait le même job! Moi je suis l'un des mecs les plus endettés, toute la capitale. Dernier chrome que j'ai pris pour ma con, je crois que c'était tout à l'heure. Manque de neurones, j'ai même plus à qui je dois de l'oseille. I manque 2 euros, laisse-la moi et sois pas mauvais. Hey, non, hey, je te laisse rien, vas-y, dégage. Dégage. 2 euros, sale que je. Mais si tu veux, même, je te fais la même scène dans Menace to Society. Oui, je te suce la coin. T'es sérieux là? Hey, vas-y, casse-toi. Je vais te défoncer. Attends, reviens. Non, t'énerve pas, tranquille, je me tire ailleurs. À la recherche d'un mec qui bire un peu moins tirailleur. Il me faut du bif, vite, j'ai les poches vides. Même pas comme faire un stick. Je m'étais juré de ne plus faire le cus de la daronne. Des moments incontrôlables, ray, tu le fais même si t'as run. Ou arracher un sac d'une vieille sur le point de mourir. Bref, tout un tas de bêtises où je lâchais Dan me nourrir. La drogue me donne des ailes, mais en vrai celles-ci sont cassées. Tout stoppé, atterrir, Inch'Allah dès que j'ai l'occasion. La drogue te donne des ailes, tu frôles le ciel, ce n'est qu'un plaisir à temps partiel. Tes joues se creusent, la fumée cerne, tes cernes, t'es dans un océan de conseils. La coke te donne des ailes, le shit te donne des ailes, l'extasy fait le même job. Le toxico recherche un plaisir. Sans fournir d'efforts, il est dans le noir une fois sur deux, comme si le soleil clignait des yeux. Tes veines te grattent, ça devient alarmant. D'un coup, tu fonds en larmes. Le manque de drogue s'acharne, tu vends le lait du marmot. Pour elle, tu peux tout flinguer. Quitte à flinguer le frangin, je répète, tu peux tout flinguer. Flinguer le frangin, vendre tes fringues. Tu travailles en tant que top modèle, tu vis grâce à ce corps de rêve. Pas question de lui faire des séquelles, donc tu te piques contre les orteils. Seule, la rue t'héberge. Tu sniffes tes perces sur l'avant-bras, plus aucune veine. C'est pas grave, tu te piques la verge. Au réveil, ton visage tombe. Tes lèvres sont sèches, pas besoin de préciser que monsieur est dans la hasse. Les gens s'écartent, ils te détestent, t'es négligent donc tu en peste. Espèce de, tu incarnes la peste. Les mêmes chemins, les mêmes gestes, les mêmes seringues, la même cesse, le même stress. La mort arrive et tout ça cesse. La drogue te donne des ailes, tu frôles le ciel. Ce n'est qu'un plaisir à temps partiel. Tes joues se creusent, la fumée cerne, te cerne. T'es dans un océan de conseils. La coke te donne des ailes, le shit te donne des ailes. L'extasie fait le même job. La coke te donne des ailes, le shit te donne des ailes. L'extasie fait le même job. La coke te donne des ailes, le shit te donne des ailes. Et voilà, voilà. Voilà, it is 9:35 on Bonjour Minnesota, and we've just listened to three songs still about 420 and drugs. And Freddie's gonna tell us what we listen to. I will, maybe. No, I'm kidding. The first song was Matmata with L'Apologie, Matmata, which I went to see in concert, and that was a great concert. I really liked it. This was one of their first albums, so yeah, it was pretty cool. I think one of the first album, the first album is one of the one I prefer. Mm-hmm. They did some good ones after too, but it's very, it's good. Then Pierre-Paul Jacques, who's a reggae man, and he sang Cultivateur Moderne from his album Kingston Karma from 1999, and Section d'Assaut, which was a rap band from the 93, I believe, with La Drogue te donne des ailes. And it's from the album L'École des Points Vitaux. I don't think the date is right because they say 2010, but that sounds like, I think Section d'Assaut, like in the 2000s, mm-hmm. where, but after that they disbanded. Mm-hmm. So true. But that's where I come from. Like we were talking about Black M and mm-hmm. Maître Gims. Yeah. So that's pretty cool. All right. There's some events I didn't talk about because I was not necessarily aware that they were there. So I'm going to talk about it now. On Saturday, between 12:30 and 1:30 at the Alliance Française, there's Le Défi. It can be translated by the challenge, and it's an inter-alliance competition 2025. Oh, so it's in between Alliance Française from the world, I think. Mm-hmm. I would think. Do you love quizzes? Speak French and know a lot about French and Francophonie history, culture, or more? The Défi is for you. Compete in this inter-alliance competition with the potential to win a free trip to Nice. Oh, not nice. Mm-hmm. That would be nice. That would be nice to go to Nice. Yeah. Mm-hmm. So Saturday, 12:30 to 1:30, it appears to be in person. So the Alliance Française is at 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. What else do we get? Monday, April 28th, French Cinémathèque. It's an online event. They are playing the French Dispatch from 2021 from Wes Anderson, which I liked. With a lot of great actors, too. French Cinémathèque is the federation of Alliance Française USA, collaboration with Telescope Film. Each month, they choose a francophone movie film currently available to the Strayer. To Strayer, I have, I think they forget her name, so to stream. And you can watch it independently and come together for a free conversation in English hosted by Peter de Bruges, chief film critic for Variety. This month's movie is The French Dispatch, directed by Wes Anderson. It's online, so you gotta go to afusa.org/community/event-RSVP, or you could go to our Facebook page because I share the event. Or afmsp.org, like you can. Of course. There's a link to it. All right, I think that's it. All the other ones can wait next week. There's the Alliance Française Gala for next week, but that's... That's on the 7th. Yeah, it's on the 7th, mm-hmm. but for this kind of event, I think it's... Nice. Plus, we close the registrations at the end of this week. I think okay. May 1st is the... The end of it? Yeah. After that, it's too late, or you need to give bachish. Because we need the number of guests for catering and of course. We're going to keep going about drugs as a theme for tonight. We're going to listen to two songs from IAM. IAM, a French rap band from the south of France, from Marseille. It's not IAM Akamura. No, it's not IAM Stupid either. The first song we're going to listen to is Le Shit Squad. And shit is not like the poo, it's pot. Yeah, in French, right. And squad is the same word. I mean, it's not a French word, but they use the English word. And Le Sachet Blanc is the second song, like the white bag. White bag. Yeah. I mean, they are referring to cocaine, and it's a remix. And then we're going to listen to their, what they used to call rival, because one band was from Paris and the other one from Marseille. And we're going to listen to Suprême NTM. And the name of the song is Passe, passe le ouange. And le ouange is le joint. In verlan. In verlan, or the joint. Yep. So, all right, on y va. C'est parti! Respect to the Hit Squad, mais moi à Marseille. Je roule avec le Shit Squad! Vous allez entendre est vrai, seuls les noms ont été changés pour protéger les coupables. Comme au football, ils ont fait un team et ont tous unis pour le meilleur et pour le pire en période de pénurie. Ils ont tenu à hurler, ménageant les troupes les plus dures de leur écurie. Les champions du monde, tant de populaires se fait place pour le strip le plus long. Chacun s'exerce à pomper comme une chanteuse et filme plus de joie qu'il y en a dans un moteur de Mercedes. Allez, goûte-moi ça, mon fils. Te barre et je parie que tu te prends pour un ménophis. Non, merci. Et toi, Joe? Non, de même. Cela n'empêche pas que l'on approuve quand même. Ils sont nos amis. Quoi que j'avertis, sors ta plaque, le Shit Squad est de la partie. Ne reculant devant rien, ils brûlent et mettent tout dans le zigzag. Bad Brossard, écoute bien, je parle clair. On a le Shit Squad. Marie leur friandise à merveille avec la Heineken pour la faction qui sévit à la plaine. Elle n'essaie pas de ramener ton XZX ni ta poudre. Ils prennent un coup de pied ce qui se fixe. Le noir qui brûle seul à la poubelle vite. On ne fume pas le Tchernobyl. On sait alors. Ça, car là, nada, ce gars de jaune est en voie. Gaffe à ceux qui feignent d'être en vrac et dans le coup et qui en fait sont les lahas des hamaloulous. À cause de qui, split et garde sont mêlés. Confusion, ils favorisent l'extension des rats de la prohibition. Beaucoup ne voient pas que la légalité cache des produits analogues. Alcool et tabac sont des drogues, mais le squad lutte contre le protectionnisme et prône la déchirure permanente comme schisme. Certains fument trop de longue avec leurs poteaux qu'ils héritent aussitôt d'une ganache de toxico. Les mythomanes sont pas mal aussi, ainsi ils sont un stick de chèvrefeuille et croient taper la scène. Qui est là pour mettre à la poubelle les spliffs crades? Le Shit Squad! Je roule avec le Shit Squad! Je roule avec le Shit Squad! Je roule avec le Shit Squad! Je roule avec le Shit Squad! Je roule avec le Shit Squad! Les motifs sont différents, le résultat unique. Les uns penchent vers le squad, les autres penchent vers le shit. Sauf que le soir, les premiers se couchent speed. Les seconds ont tout le temps les yeux rougis par la fatigue. Est-ce le travail qui les tue? Mais tu délires. C'est l'effet secondaire. Les cigarettes qui font rire. Jamais hargneux. Ils restent de bronze, ils sont très flous. Flous, chez nous on dit des buzz. Après 15 ans passés dans un brouillard épais. Oh, la gravité a frappé. Sans vouloir faire de publicité. Je roule avec OCP. Oui, tu connais. Le Shit Squad est le squad le plus bad, oui. Le seul en action de midi à minuit. Et Shuriken et Chill fument le mic et ça frappe, man. Voici quelque chose pour abuser de ton Walkman. Imhotep, l'architecte est au contrôle musical. Il aimerait que le travail soit un repos dominical. Au Shit Squad de répondre.

sachet blanc. Le sachet blanc. J'ai dû me tromper de paradis. Du coma. Yeah. Cependant, j'avoue que c'est pendant ces moments que je suis le plus créatif. Sûrement, dans ce cas-là, j'augmente le volume. Râle, le fumé, ne faut pas qu'il se consume. Seul, c'est une coutume. Papa, papa, passe le soufflet. Passe, passe, le wange. Passe, passe, le wange. Passe, le wange. Y'a des mondes sur la corde, alors je passe, passe, le wange. Passe, passe, le wange. Passe, le wange. Y'a des mondes sur la corde, alors je passe, passe, le wange. Et voilà, voilà. Et oui, voilà, it's 9:54, we just have like about 5 minutes to go. Yeah. And we listened to 3 more songs. Mm-hmm. So the theme of the night was about drugs, if you're just catching us. So we listened to 2 songs from I Am, from Marseille. The first one was Le Shit Squad, and the second one was Remix, Sachet Blanc. And just now was like Supreme NTM with Passe Passe Louange. Pass the joint. Mm-hmm. And So we're going to have like maybe a couple of songs before we leave. There's going to be the Les Minianas with Je ne suis pas très drogue. Because the song is only like two minutes, almost three. But and then Cuir with Prenons de la drogue, featuring Steve from Abuse, Zekele. And that's it, I guess. One last event I wanted to talk about that I didn't. I mean, we'll talk about it a little bit more next week as well. But there's an event on Thursday, May 1st, between 6:30 and 8 p.m. At Sibley? Yeah, the Sibley Historic Site. It's organized by the French-American Heritage Foundation of Minnesota. And it's called Joseph Nicolette, French geographer, astronomer, and mathematician. And it's an event presentation by Jason Willis, and he's a Minnesota author, and he's going to present his book. So that starts at 6:30 with refreshment. 7 is the presentation about Joseph Nicolette, and 8 to 8:30 book signing. So if you want more information, you can go to their website, FAHFMINN.org and /Jason-Lee-Willis. Otherwise, you can go to our Facebook page. Yeah, I think it will be easier. Yes. But we'll talk about it next week again also. And if you have any question, feel free to send us like a Facebook message or bonjourminnesota@gmail.com. Those are a good way to reach us. Yeah. And so we're going to go. The Les Minianas first. Je ne suis pas très drogue. They are from the south of France, from Toulouse. And Cuir, punk with Prenons de la drogue. And it's like 45 seconds. Okay. Et ben, puis bah, bonne nuit. Bonne nuit. And we'll be back next week. Yes, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ton nom? Nicole Princess. T'as quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux un cachou? Non merci, je ne suis pas très drôle. J'ai fumé du pot, c'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais? Non, je sais pas. J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces hippies, je dors pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est... Tu veux un cachou? Non merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent. Cachou. Non merci, je ne suis pas très drôle. Là sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon château bleu, je twiste en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme les yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la fosse explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher. Tu devrais prendre un cachou, tu sais. Non merci, je ne suis pas très drôle.